La base de l'islam et sa règle de Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. La base de l'islam et sa règle sont deux choses. 1. L'obligation de l'adoration d'Allah, l'unique sans rien lui associer, l'incitation à ceci, prendre pour allié pour cette cause et traiter de mécréant celui qui la délaisse. 2. L'avertissement contre le shirk dans l'adoration, se montrer dur vis-à-vis de ceux qui le font, détester pour cette cause et traiter de mécréant celui qui le fait. Et ceux qui contredisent ceci sont de plusieurs sortes. Celui qui contredit le plus, c'est celui qui contredit en bloc. Il y a les gens, certains, qui adorent Allah, mais ne renient pas le shirk et ne détestent pas ceux qui le commettent. Et d'autres, qui les détestent, mais ne les traitent pas de mécréants. D'autres, qui n'aiment pas le tawhid, mais ne le détestent pas non plus. D'autres, qui les ont traités de mécréants et prétendent qu'ils sont une insulte pour les hommes pieux. D'autres, qui ne détestent pas le shirk, mais ne l'aiment pas non plus. D'autres, qui ne connaissent pas le shirk et donc ne le renient pas. D'autres qui ne connaissent pas le tawhid, mais ne le renient pas. D'autres, et ce sont les plus dangereux, qui appliquent le tawhid, mais ne connaissent pas sa valeur, ne détestent pas ceux qui le délaissent, et ne les traitent pas de mécréants. D'autres qui délaissent le shirk, et le détestent, mais ne reconnaissent pas sa valeur, ne détestent pas ceux qui le font, et ne les traitent pas de mécréants. Et tout cela, on contredit ça avec quoi sont venus les messagers de la part d'Allah subhanahu Wallahu a'lam. Voir dans Majmu'atul Fatawi wa Rasa'il al-Ajwiba à la page 126, édition Maktaba al-Turat al-Islami. Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahmahullah, qui a dit: cet awarit-là envers lequel les gens considèrent qu'il est obligatoire de leur obéir en dehors d'Allah sont tous des mécréants apostats. Et comment serait-il autrement alors qu'ils rendent licite ce qu'Allah a interdit et interdisent ce qu'il a permis? Ils sèment le désordre sur terre avec leurs paroles et actes. Quiconque polémique en leur faveur ou désapprouve celui qui les taxe de mécréants ou prétend que de tels actes ne font pas sortir son auteur de l'islam, le minimum que l'on puisse dire d'une telle personne, c'est qu'il est un pervers. Car l'islam ne peut être valable sans le désaveu et le tekfir de ces gens-là. Source, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab Rasa'il al-Shirsiyya à la page 188. Il, qu'Allah lui fasse miséricorde, a aussi dit: Allah, Allah, mes frères, accrochez-vous à la base de votre religion, son commencement et sa fin, ses pieds et sa tête qui est la shahada la ilaha illallah, et apprenez sa signification, et aimez-la, aimez ses adeptes, et soyez frères avec eux, même s'ils vous sont lointains, et mécroyez au tarout, et prenez-les pour ennemis, et détestez-les, et détestez ceux qui les aiment, ou discutent à leur sujet, ou ne les excommunient pas, ou disent: Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas chargé d'eux. Car en disant cela, ils mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les a chargés d'eux en leur ordonnant de les renier, de les désavouer, même s'il s'agissait de leurs proches comme frères ou enfants. Allah, Allah, accrochez-vous à ça, peut-être rencontrerez-vous votre Seigneur sans rien lui associer. Oh Allah, nous te demandons de nous faire mourir musulmans et de nous faire rejoindre les gens pieux. Source, Majmu'at al-Tawhid, Khimsa Risala.